Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozoo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Et si vous avez la chance d'être en vacances, eh bien profitez-en, je vous souhaite de bonnes vacances, un bon repos. Nous sommes le lundi 22 octobre, nous souhaitons une bonne fête aux Élodie, ça vient du latin signifiant propriété. C'est une bizarre alchimie que ce 5 et ce 7 qui compose la personnalité d'Élodie, femme secrète et mystérieuse, tout à la fois intériorisée, tentée par les spéculations de l'esprit, et active, dynamique et entreprenante, éprise de liberté et d'aventure. En fait, c'est une femme inquiète et nerveuse qui cultive son esprit, tend à beaucoup réfléchir. Son caractère ombrageux et réservé peut donner l'impression d'associabilité. Elle peut même sembler à part, différente, soit parce qu'elle s'inscrit dans un rôle de marginale, de sceptique, de critique, d'indépendante, de novatrice, soit parce qu'elle se met elle-même en retrait, ne se sentant pas à l'aise dans le monde. Quoi qu'il en soit, c'est aussi une femme qui a besoin d'action et de mouvement et qui n'hésite pas à se remettre en question. Elle aurait pu faire partie de ces intellectuels des années 70 qui partaient dans les causes élevées des moutons. Pardon. Le nombre actif 32 qui la caractérise traduit bien ce climat électrique et éclectique et ce rythme en dents de scie avec des blocages intermittents sur sa route mais avec un résultat positif à long terme. Allant de pair avec cette personnalité déroutante, son humeur est changeante ainsi que sa capacité d'action. La liberté est une valeur essentielle aussi est-elle faite pour vivre sans contrainte car la solitude ne lui fait pas peur. Dicton du jour, octobre glacé fait vermine trépassée. Et on verra tout à l'heure dans la météo que c'est pas glacé aujourd'hui, mais c'est un petit peu frais quand même. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale du bégaiement. Et dans les événements qui se sont déroulés un 22 octobre en 1953, c'était l'indépendance du royaume du Laos. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec le chanteur Shaggy et son tube It Wasn't Me. Yo, man. Yo, open up, man. Yo, what do you want, man? My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. With who? The girl next door, you know? Nah. I don't know what to do. So it wasn't you. All right. Honey came in and she got me red-handed, creeping with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra fee? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Oh, you think I know my access to your villa? Trespass on a witness, all of your clean on your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Let's review the situation that you call the pinner. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, convince her say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim a you tell her baby, no way. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she caught me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. I had tried to keep her from what she was about to see. Why should she believe me when I told her it wasn't me? She knows she not she really not a right for vex. I never used to see her make the jigger low flex. As somebody else in favor you in a the complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she have a bring a whole heap of things up from the past. All the little evidence you better know for mass. Quick by your hands up, no off it up. But if she back a gun you know you better run fast. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. No, wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she caught me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Gonna tell her. What's Not Me sur RGM. Il est presque 8h37 et il est temps pour nous de parler anniversaire avec tous ceux qui sont nés un 22 octobre 1938. Naissance de Derek Jacobi, acteur britannique vu dans Hamlet, Gladiator dans le rôle de Gracchus, Gosford Park, Underworld 2, Le discours d'un roi dans le rôle de l'archevêque de Canterbury, Cosmolang dans Grâce de Monaco dans le rôle du comte Fernando d'Allière, et en 2018 il était à l'affiche du film Tomb Raider dans le rôle de Monsieur Yaffe. C'est également l'année de naissance de Christopher Lloyd, acteur américain vu dans Vol au-dessus d'un nid de coucou dans le rôle de Taber, Retour vers le futur 1, 2 et 3 dans le rôle de du docteur Emmett Brown alias Doc qui veut la peau de Roger Rabbit dans le rôle du baron Von Rotten alias juge de mort, vu également dans La famille Adams et les valeurs de la famille Adams dans le rôle de l'oncle fétide, dans Braquage à l'ancienne à la télé dans Numbers, Chuck ou encore Fringe. 1939, naissance de Tony Roberts, acteur américain vu dans Serpico, Annie Hall ou encore Anna et ses sœurs. 1943, naissance de Catherine Deneuve, actrice française vue dans La vie de château, Les demoiselles de Rochefort dans le rôle de Delphine Garnier, Peau d'âne dans le rôle de la reine bleue et Peau d'âne, Le dernier métro dans le rôle de Marion Stenner, récompensée par le César de la meilleure actrice, Indochine dans le rôle d'Eliane De Vries, récompensée également par le César de la meilleure actrice, vue également dans Place Vendôme, Huit femmes, Palais Royal, Cyprien, La fille du RER, Potiche dans le rôle de Suzanne Pujol, Astérix Obélix au service de Sa Majesté dans le rôle de Cordélia, la reine d'Angleterre, et elle sera bientôt à l'affiche du film Mauvaise Herbe dans le rôle de Monique, il sortira le mois prochain. Et elle est apparue également à la télé dans quelques épisodes de la série américaine Nip Tuck. 1949, naissance d'Arsène Wenger, ancien joueur de foot français devenu entraîneur. Il a fait sa carrière de joueur de 1969 à 1981 en jouant au club de Mutzig, Mulhouse, Strasbourg. Ensuite, il est devenu entraîneur en 1984. De 84 à 87, il a été l'entraîneur de Nancy. De 87 à 94, celui de Monaco, club avec lequel il a remporté la Coupe de France en 1991. De 94 à 96, coach de Nagoya Grampus. De 96 à 2018, coach emblématique de l'équipe d'Arsenal, club avec lequel il a remporté la première ligue en 1998, 2002 et 2004, la Coupe d'Angleterre en 98, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015 et 2017, la Community Shield en 1998, 99, 2002, 2004, 2014, 2015 et 2017, finaliste de la Ligue des Champions en 2006 et finaliste de la Coupe de l'UEFA en 2000. 1952, naissance de Jeff Goldblum, acteur américain, vu dans Jurassic Park, le monde perdu de Jurassic Park et Jurassic World Fallen Kingdom dans le rôle de Ian Malcolm, vu également dans Independence Day et la suite sortie en 2016, Independence Day Resurgence dans le rôle de David Levison, vu également dans Man of the Year, Thor Ragnarok dans le rôle du grand maître. 1955, naissance de Bill Condon, réalisateur américain à qui l'on doit Dreamgirls, Twilight 4 et 5, et en 2017, le film La Belle et la Bête. 1962, naissance de Bob Odenkirk, acteur américain connu pour son rôle de Saul Goodman dans la série télé Breaking Bad. 1964, naissance de Lionel Abelansky, acteur français vu dans Belphégor, le fantôme du Louvre, Ma femme est une actrice, La Buzz dans le rôle de Perez, Narco, Safari dans le rôle de Benoît, De l'autre côté du périph dans le rôle de Daniel Cardinet, Boulet Bill, Barbecue, Les vacances du petit Nicolas, à la télé dans Scène de ménage, Fais pas ci, fais pas ça ou encore Les bracelets rouges dans le rôle du docteur Catalan. 1966, naissance de Valeria Golino, actrice italienne vue dans Rain Man dans le rôle de Susanna, Outshot 1 et 2 dans le rôle de Ramada Thompson, 36 Quai des Orfèvres dans le rôle de Camille Vrinks ou encore dans Actrice dans le rôle de Natalia Petrovna. 1968, naissance de Shaggy, chanteur jamaïcain. 1986, naissance de Kyle Gallner, acteur américain vu dans Sublime Créature dans le rôle de Larkin Kent, American Sniper dans le rôle de Winston, dans la série télé Veronica Mars dans le rôle de Cassidy Casablancas, Smallville dans le rôle de Bart Allen alias Flash, dans Les Experts Manhattan, Esprit Criminel ou encore The Walking Dead. On reste en 1986 avec la naissance également de Laure Boulot, ancienne footballeuse française qui de 2003 à 2005 a joué à Clairefontaine, de 2005 à 2018 avec le Paris Saint-Germain, club avec lequel elle a été vice-championne de France en 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018. En 1987, décédé Lino Ventura, acteur français vu dans Touchez pas au Grisby, dans le rôle d'Angelo, le chef de la bande rivale. Crime et châtiment, les tontons flingueurs dans le rôle de Fernand Naudin, dit Oncle Fernand, le clan des Siciliens dans le rôle de l'inspecteur Le Goff, la gifle, ou encore en 1982 dans Les Misérables de Robert Hossein où il avait interprété le rôle de Jean Valjean. Allez, on va tout de suite marquer une nouvelle pause musicale. L'album posthume est sorti vendredi, c'est bien évidemment le dernier album de Johnny Hallyday avec le titre « J'en parlerai au diable ». Que j'ai trahi, alors je ne bronche pas. Si jamais on me dit que j'ai menti, alors je ne relève pas. Car le jour viendra de répondre de mes actes, et je ne me cacherai pas. Oui, le jour viendra de respecter le pacte, et lui seul m'entendra. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner. De m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que j'étais. Tu le mérites, je l'ai sûrement cherché. Que j'ai trop flirté avec les limites, je ne vais pas le nier. On sort de la piste, on reprend espoir, on avance plus ou moins droit. Et c'est en solice que je lui dirai mon histoire, et j'assumerai mes choix. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner. De m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que J'en parlerai au diable, donc premier titre, un extrait de l'album posthume de Johnny Hallyday, sorti vendredi dernier. Allez, il est 8h46, hein, passé de quelques secondes, on est toujours sur le 107 et il est temps pour nous eh bien, de parler météo. La météo. Alors actuellement, il y a du brouillard par endroit. Il peut même être très épais, donc soyez vigilants. N'oubliez pas d'allumer vos feux de croisement et les anti-brouillards avant pour vous signaler sur la route. Le brouillard se dissipera au fil de la journée pour laisser apparaître le soleil. Et je vous le disais tout à l'heure en début d'émission avec le dicton du jour, octobre glacé. Et bien aujourd'hui, c'est un petit peu le cas, hein, puisque ce matin, nous avons des températures comprises entre 2 et 3 degrés. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu ces températures. Mais cet après-midi, ça grappera quand même jusqu'à 15 et 16 degrés. Pour mardi, du soleil avec quelques nuages. Des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 14 et 15 degrés l'après-midi. Et mercredi, on devrait passer la journée sous les nuages. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 12 et 14 degrés l'après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Pas mal de choses à dire en ce lundi matin et on commence tout de suite avec le football et les résultats de la Ligue 1. Lyon s'est imposé 2-0 face à Nîmes. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 5-0 face à Amiens. Caen et Guingamp fait match nul 0 partout. Lille s'est imposé 2-1 à Dijon. À noter que Johan Gourcuff est blessé. Nantes s'est imposé 4-0 face à Toulouse. Reims et Angers ont fait match nul 1-0 partout, tout comme Saint-Etienne et Rennes. Strasbourg s'est imposé 2-1 face à Monaco. Montpellier s'est imposé 2-0 face à Bordeaux. Et enfin, Marseille, hier soir, s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Nice. En Ligue 2, ça ne va toujours pas pour Nancy qui s'est incliné à domicile face à Grenoble sur le score de 2-1. Et Metz continue son chemin, s'est imposé 3-0 face à Niort. En National 2, Épinal s'est incliné à domicile face au club de Croix, 2-1. En National 3, Thaon-les-Vosges et Sarre-Union fait match nul 0 partout. Et Raon-l'Étape s'est incliné à Mulhouse sur le score de 3-1. Un mot de basket en Pro B, nouvelle victoire pour Nancy à Caen, 63-85. En National 1, le Jet Vosges continue sa dégringolade avec la défaite à Souffelweyersheim, 78-71. Et en National 3, Mirecourt s'est incliné à Massy, 73-65. Un mot de cyclocross avec hier une manche de Coupe du Monde où Steve Chenel a terminé 10e. Un mot de Formule 1 maintenant avec le Grand Prix des États-Unis. Hamilton va devoir attendre avant d'être sacré champion du monde puisque hier c'est Raikkonen qui s'est imposé devant Verstappen. Hamilton a pris la 3e place, 8e place pour Esteban Ocon et 14e place pour Pierre Gasly. Un mot de hockey sur glace avec les résultats de la D3. Épinal s'est imposé 9-2 à Reims. Prochain match pour le HC, eh bien ce sera demain soir à la patinoire de Poissompré en match de Coupe de France avec une très très belle affiche avec la réception d'un club de Ligue Magnus et c'est en derby puisqu'il s'agit, je vous le rappelle, de Strasbourg. Et on va rester en hockey, on va parler de la CHL. On connaît le prochain adversaire du club de Rouen dans cette compétition. Ce sera contre le club autrichien des Red Bull Salzbourg. Un mot de handball, messieurs. Nicolas Karabatic s'est fait opérer vendredi du pied gauche. Il sera donc malheureusement forfait pour le championnat du monde en janvier prochain. Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Un mot de tennis avec les résultats des tournois de la semaine dernière à Moscou. Manarino s'est incliné en finale face à Khachanov en 2-7. Et Anvers, Gaël Monfils s'est incliné en finale face à Edmund en 3-7. À Anvers, à noter qu'en double messieurs, la victoire de Nicolas Maheu et Édouard Roger Vasselin. Et on va rester avec Nicolas Maheu puisque Wimbledon a annoncé ce week-end qu'il y aurait dorénavant un tie-break dans le cinquième set à partir de 12-12. Comme vous le savez, hein, ou je vous le rappelle, dans le cinquième set au tennis, il n'y a pas de tie-break. Il faut avoir 2 points d'écart. Donc ça peut aller très très loin. À Wimbledon, on s'en souvient, le record est détenu par Nicolas Mahut et John Isner. C'était 70-68, si ma mémoire est bonne. Ça avait été fait sur 3 jours. Et donc voilà, eh bien, ce record sera dans l'histoire, hein, il ne sera jamais égalé, puisque à partir de maintenant, il y aura donc un tie-break. On n'aura plus de score aussi fouf. Allez, des nouveaux tournois cette semaine avec notamment à Singapour le WTA Final. C'est aujourd'hui, Osaka affronte Stephen Sekerberg, sera opposé à Bertens. Et on termine avec du biathlon. Ce n'est pas encore la reprise de la Coupe du Monde, mais bientôt, ça approche quand même. Un petit peu de patience, mais ce week-end, c'était les championnats de France. Et les résultats sont les suivants. En sprint féminin, la victoire de Justine Brezaz devant Anaïs Bescon et Nora Latuyère. Sprint messieurs, remporté par Martin Fourcade, c'est son 13e titre, devant Simon Détieu, Quentin Fillon-Maillet. Fabien Claude a terminé, lui, 4e de ce sprint, devant son frère, Florent Claude, 5e. Antonin Guigona, lui, s'est classé 6e, Emilien Jacquelin, 8e, Simon Fourcade, 11e. Et dans la catégorie des U21, le troisième Vosgien, Emilien Claude, a remporté ce sprint. Et côté poursuite, côté féminin, il a été remporté par Anaïs Bescon devant Justine Brezaz et Nora Latuyère. Côté messieurs, victoire de Simon Détieu devant Martin Fourcade, Antonin Guigona, 4e Quentin Fillon-Maillet, 5e Emilien Jacquelin, 6e Simon Fourcade, 7e Florent Claude, 8e Fabien Claude et Emilien Claude, lui, a terminé 3e de la catégorie U21. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale. C'est une nouveauté. C'est George Ezra et le titre Shotgun. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. See diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. I'll be riding shotgun underneath the hot sun.